swam shita, patar flane, matriangita. Mon yo vin fem kouri, tombe dans l'eau, manke peri. Tout rat sou mwen mouye, mwen retire l pou mpaneye. Lem fè sa pou mboule, men notre dame fem tou non mile. Lem fè sa pou mboule, men notre dame fem tou non mile. Sa pou m'soti, la pli bagre mwen pa sa soti. Telman kalkule, mwen pa sa mache. De pie mwen vetri, bagay la domine. Telman kalkule, mwen pa sa mache. De pie mwen vetri, bagay la domine. Toute la nuit. pas ça dormi. M'pas ça dormi toute la nuit. Ou gen doit rade dans juste la ville. Ou tande ma plainte. Toute la nuit. Ça tue maintenant. Il met des beaux cadavres toute la nuit. Il met des beaux cadavres. Beaux cadavres tout le temps. Toute la nuit, beaux cadavres. Beaux cadavres. Mais par qui vivait c'est. C'est que. L'a regardé moi. M'a regardé le tout. Et puis quand l'autre bagarre arrive encore, l'a provoqué moi. Li souri ba mwen. Mwen même mwen ri ba li nan moustache. Baka yo pata yon mle kwe. Yo fè pè man nan toi. Yo mette ti kokade rouge. Ti kokade noir. Ti kokade blanc. Ti kokade violet nan. Ay ay ay. Yo nom ki jen gason. Wa pa fè wè sa. Faut toujours contre clinique laboratoire. Ha. Et c'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. C'est bon Dieu fait des cliniques qui relaient. Paradis des deux mots. C'est ça qui sauve moi. C'est ça qui sauve. L'aime tout ça. Hey. Mais gros sel. Mais la gel. Gros avec sa boca moun de gan yo. Li pote 8 tranches. Suivant coup de couteau, la pote grande. Eh, oui, la gala domine. Li foute domine, oui. Ça marchait, le pied m'a bébé.